toi. Tu sais que j'aime pas quand je suis loin de toi. Arrête de bouder, c'est n'importe quoi. Tu me déçois beaucoup quand tu doutes de moi, moi, moi, moi. Loin de toi, je peux pas, j'assume pas. Bébé, ta beauté part, le charme reste, je touche pas. ACC, me dis pas que c'est plus pareil. Quand tu cries, tu me niques l'oreille. Ne l'écoute pas, elle est mauvaise. Elle veut tout ce que t'as, ce qui paraît. T'étais ma faute de galère, t'es devenue ma petite femme. J'avais pas un gros salaire, j'étais dans des sales drames. Je me sens en sécurité quand je te tiens la mano. Pourtant, tu n'es pas calibré, mais je crois que ce monde est à nous. J'ai besoin de rien, juste besoin de toi. Viens, on fait la paix, je suis pas bien loin de toi. On devait se voir, mais putain j'ai foiré. Je t'aurais pris dans mes bras pendant toute la soirée. Moi quand je dis je t'aime bébé, c'est pour de vrai. Et je les calcule pas, je regarde droit où je vais. Ça se casse le cou dans le BMW. Toi t'es ma jolie, t'es ma préférée. À toi, monsieur m'a passé la bague au doigt. Tu es mon allié, mon soldat. Je marche à tes côtés, attends-moi. Ils veulent trouver la faille, aïe, aïe. Ils voudraient nous faire du mal, aïe, aïe. On se connaît depuis minot. Notre histoire, elle est trop belle. T'as réparé mon corazon. Grâce à Dieu, on a de merveilles. Jamais loin de toi, jamais loin de toi. J'ai besoin de toi, mon cœur se balance quand je te vois. Jamais loin de toi, non, jamais loin de toi. J'ai besoin de toi, j'irai partout où tu iras. Je t'aurais pas lâché. Pour toi mon cœur, je l'aurais arraché. Tu sais qui je suis, je te l'ai pas caché. Moi je t'ai vu mal, on aurait pu tout gâcher. Mais bon, maintenant t'es ma petite. On est dans une autre galaxie. C'est pas facile, nos vies, faut calmer les nerfs. Besoin de tout ton amour pour leur faire la guerre. Sois là quand j'ai besoin de toi. Tu sais que j'aime pas quand je suis loin de toi. Arrête de bouder, c'est n'importe quoi. Tu me déçois beaucoup quand tu doutes de moi, moi, moi, moi. Sois là quand j'ai besoin de toi. Tu sais que j'aime pas quand je suis loin de toi. N'importe quoi. Tu me déçois beaucoup quand tu doutes de moi, moi. J'avais pas trop quoi dire, j'avais juste besoin de toi. Je voulais pas te voir partir, je voulais te serrer dans mes bras. Je voulais qu'on sorte encore ensemble, qu'on aille voir un coup au centre. Raconte-moi un peu ta vie, tu sais que je suis là si t'as besoin. On ira danser, j'aime trop ton déhanché. On va se rapprocher comme la dernière fois. Je suis dans mes pensées, à bas le pied au plancher. RDD ce soir, je suis trop loin de toi, toi, toi. Tu dis que t'as besoin de moi, que je suis ton seul choix. J'ai jamais voulu être loin de toi. Maintenant tu me fais des drames, je préfère jeter les armes. Je crois que je serai mieux loin de toi. Que je suis ton seul choix. J'ai jamais voulu être loin de toi. Maintenant tu me fais des drames, je préfère jeter les armes. Je crois que je serai mieux loin de toi. Loin de toi, loin de toi. Loin de toi. Moi, vive sans toi, non, non, non. Quand je repense à tous ces moments, la fleur s'est fanée, mais on était ensemble toutes ces années. Nous qui t'aiment comme moi, il est pas né. Mais c'est le destin, il le fallait. J'ai besoin de toi comme de la vitesse. Ici, personne n'a la vidange. J'ai laissé ton cœur dans l'océan des larmes. Malheureusement, il t'est pas étanche. C'était elle et moi, nous deux. Prends-nous dans la malle. On se noie dans la peine quand le plan tombe à l'eau. C'était elle et moi, nous deux. Mano dans la malle, on se noie dans la peine quand le plan tombe à l'eau. Sois là quand j'ai besoin de toi. Tu sais que j'aime pas quand je suis loin de toi. Arrête de bouder, c'est n'importe quoi. Tu me déçois beaucoup quand tu doutes de moi, moi, moi, moi. Sois là quand j'ai besoin de toi. Tu sais que j'aime je suis loin de toi. Arrête de bouder, c'est n'importe quoi. Tu me déçois beaucoup quand tu dois.